Les dirigeants de partis politiques et les personnalités de différents milieux de divers pays ont exalté vivement les exploits immortels du général Kim Jong-il pour l'édification du parti. Dans les messages et les lettres de félicitations, les personnalités de divers pays, notamment le secrétaire général du Comité central du Parti du Travail du Congo, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste libanais et le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée, ont affirmé que le général Kim Jong-il a continué l'idée « Le peuple est mon Dieu » du président Kim Il-sung et a renforcé le Parti du Travail de Corée en parti mère qui sert fidèlement le peuple et en guide puissant. Ensuite, ils ont ajouté que les exploits d'édification du parti du général Kim Jong-il, éminent homme politique qui a défendu le socialisme coréen et l'a fait briller dans le monde, seront éternels avec l'histoire de la Corée du Tchad.